France Musique. Merci Nathalie Piollet, passez un très bon dimanche avec nous sur France Musique. Il est 11h. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau cabaret, 42e rue au studio 106 de Radio France, bien fourni en ce dimanche matin. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir une artiste américaine de Broadway. Elle s'appelle Liz Calloway. Elle a débuté à 18 ans dans une comédie musicale de Stephen Sondheim, Merrily We Roll Along. Elle a été nommée aux Tony Awards pour son rôle dans Baby, elle avait 20 ans. Elle a interprété durant 5 ans la fameuse chanson Memory dans Cats de Andrew Lloyd Webber au Winter Garden Theater à Broadway. Elle a recréé à Broadway l'un des deux rôles principaux féminins dans Miss Saigon. Et enfin, Liz Calloway est peut-être surtout connue en France pour la voix qu'elle a prêtée au dessin animé Anastasia. Liz Calloway est en concert en France. Il y a 10 jours, elle était avec l'Orchestre National de Lille pour un concert autour de Stephen Sondheim. Et pas plus tard que cet après-midi, à 16h, elle est en concert à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre Pas de Loup. Et bien ce matin, juste auparavant, Liz Calloway s'arrête sur la 42e rue de France Musique pour un concert tout à fait privé qui débute avec une chanson qu'interprétait, rappelez-vous, dans Parade de printemps, Judy Garland. Allez, j'actionne la cloche. With my high starched collar and my high topped shoes and my hair piled high upon my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe reels. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to leave, I took hold of his sleeve with my hand. And as if it were planned, he stayed on with me and it was grand just to stand with his hand holding mine till the end of the line. Liz Calloway en concert privé sur la 42e rue de France Musique, accompagnée au piano par Charlotte Gauthier. Vous l'avez reconnu, c'est une chanson qui s'intitulait The Trolley Song. Et maintenant, mesdames et messieurs, un moment d'émotion, car Liz va recréer devant vous sa toute première expérience sur les planches à Broadway. C'était en 1981, dans une comédie musicale signée Stephen Sondheim, intitulée Merrily We Roll Along. Liz Calloway, c'est à vous. Yesterday's done. See the pretty countryside. C'est tout? C'est tout ce que vous avez fait sur scène? That's all you did? Non. Ah. Non. Une autre. Ah, d'accord. How did you get there from here, Mr. Shepherd? Merci, c'est tout. Vous allez nous raconter cette expérience. Vous voulez bien nous en chanter une complète chanson de Merrily We Roll Along, néanmoins? Oui. Signé Stephen Sondheim. Not a single day, but you're somewhere a part of my life, and it looks like you'll stay as the days go by. I keep thinking, when does it end? Where's the day I'll have started forgetting? But I just go on thinking and sweating and cursing and crying and turning and reaching and waking and dying and no. Not a Day Goes By de Stephen Sondheim. Bonjour, Liz Calloway. Bonjour, Laurent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire alors? Dans Merrily We Roll Along, vous faisiez quoi en 81 sur scène à Broadway? In 1981, when I made my Broadway debut, lors de mes débuts à Broadway en 1981, alors j'étais avec le chœur en fait, vous savez. Et c'est vrai que j'avais étudié pour remplacer en fait le rôle principal féminin. Et c'est vrai que Merrily We Roll était mon premier spectacle sur Broadway parce que c'est le premier que j'ai vu à l'âge de 9-10 ans. J'avais vu Company pour la première fois, la première chose que j'avais vue. Et donc c'était aussi Stephen Sondheim et Merrily était en fait joué par la même équipe. dans le même théâtre où j'avais vu Compagnie pour la première fois. Et donc, il y avait deux phrases musicales où vous chantiez toute seule ou c'était dans le chœur? Well, I was in the chorus. Donc, comme je disais, j'étais dans les chœurs, en fait, dans tout le groupe des danseurs et chanteurs. Et c'est vrai que nous avions des petits rôles à jouer. Alors, évidemment, si vous écoutez l'album, l'original, vous entendez que je joue la première ligne. Enfin, je la chante. Et voilà, c'était tout. Et puis après, il y avait des petites transitions que nous interprétions à tour de rôle. Et c'est tout ce que j'ai eu à interpréter. C'est vrai que je n'ai jamais remplacé, évidemment, le premier rôle féminin, mais c'est vrai que nous avons organisé un concert, en fait, une célébration il y a 10 ans, et on m'a demandé de jouer le rôle de Beth et de chanter cette chanson dans The Day Goes By. Et je dis, ah ben, je serais ravie. Toujours, si je peux quand même reprendre ces deux petites lignes que j'avais chantées dans les chœurs, en fait, dans le groupe qui accompagnait. C'était le but de votre vie, de monter sur les planches à Broadway à cette époque, Liz Calloway? I wanted, when I was 8, I knew I could sing, but I was very shy. À l'âge de 8 ans, j'ai compris que je pouvais chanter, mais j'étais extrêmement timide. Et je ne pouvais chanter que lorsque j'étais seule à la maison, lorsque toute la famille était partie. Et au lycée, j'ai commencé à faire du théâtre. Et pour la première fois, je suis tombée totalement amoureuse de cette discipline. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Le métier d'acteur. Yes, to be an actress. Oui, devenir une actrice. When I was 8, I remember thinking that if à l'âge de 8 ans, je me suis rappelé, enfin, je me rappelle avoir pensé, voilà, que si jamais je ratais ma carrière d'actrice, je pourrais devenir une chanteuse. Ce qui était complètement dingue, hein. Parce que c'est quand même beaucoup plus dur d'être chanteuse, c'est terriblement difficile quand même. Et puis, alors même si le théâtre est mon premier amour et si j'aime être une actrice et j'aime être sur scène, mais c'est vrai que lorsque, à l'heure actuelle, je fais beaucoup plus de chansons, je suis beaucoup plus sur scène à interpréter en fait des chansons, et c'est vrai que je retourne à mon premier amour qui était en fait ma carrière de chanteuse. Alors, Liz Calloway, vous êtes en France parce que vous étiez en concert à Lille avec l'Orchestre National de Lille il y a 10 jours. Deux concerts dirigés par David Charles Abel autour de l'œuvre de Stephen Sondheim. Cet après-midi, vous serez aussi en concert avec l'Orchestre Padeloup à la Philharmonie de Paris. Ça sera quoi le programme cet après-midi? Well, the concert this afternoon with the Padeloup. Cet après-midi, this is my third time donc c'est le concert avec Padeloup. Alors, je voudrais rappeler que c'est la troisième fois que je travaille avec Padeloup. Donc, c'est en fait une reprise de tous ces grandes chanteuses, grands personnages féminins. Nous avons de magnifiques chansons de chanteuses, d'actrices, comme Audrey Hepburn, Carmen. Carmen. The orchestra is doing something from Carmen. Et l'orchestre interprète un morceau de Carmen. Grâce à Dieu, moi pas. Ce serait pas possible pour moi de chanter Carmen. Ce serait beaucoup trop dur. But it's a very eclectic program. Mais c'est un programme extrêmement éclectique. Et je passe de Frozen, donc de La Reine des Neiges, la chanson Trolley Song que vous venez d'entendre. De Judy Garland. Alors je voulais avec vous revenir un petit peu à vos débuts, en 1983, vous êtes nommé au Tony Awards pour un rôle dans une comédie musicale qui s'appelle Baby. Je voudrais qu'on vous entende avec votre voix de 1983. Je voudrais juste que vous me racontiez de quoi elle parle, la chanson qu'on va entendre, The Story Goes On. I think I know what song this is going to be. J'imagine bien la chanson que vous allez nous passer. The story goes on. In the show Baby, I played a pregnant college student. Je joue le rôle d'une jeune étudiante, en fait lycéenne, qui est enceinte. Et donc, il découvre sa grossesse pendant le spectacle. Et c'est la chanson que je chante dans le premier acte quand mon personnage commence à sentir les premiers coups que lui donne son bébé. The tale my mother told me, that tale that was much too dull to hold me. And this is the surge and the rush she said would show. Our story goes on. Oh, I was young I'd forgot that things outlive me. My goal was the kick that life would give me. And now, like a joke, something moves to let me know our story goes on. And all these things I feel and more, my mother's mother felt, and hers before. A chain of life begun upon the shore of some dark sea has reached me. And now I can see the chain extending. My child is next in a line that has no ending. And here am I, full of life, that her child will feel when I'm long gone. And thus it is, our story goes on. Alors, c'est pas en direct, vous ne chantiez pas en direct, Liz Calloway, c'était un enregistrement. Mais alors, j'étais impressionné parce que vous avez débouché votre bouteille d'eau, comme si vous vouliez un petit peu boire pendant la chanson avant de vous remettre à chanter dans un instant. Et en fait, vous n'avez pas du tout bu une goutte, vous étiez en train de vous écouter. Ça vous faisait quoi d'entendre cet enregistrement de 1983? Well, I haven't heard this in so long. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu cet enregistrement. It's very emotional. C'est une émotion très forte qui m'envahit. It was my first big part on Broadway. C'était le premier grand rôle sur Broadway. And it was an incredible role. Et c'était un rôle tout à fait incroyable, un spectacle. It was before I became a mother myself. Et c'était peu avant que moi-même je devienne mère. On a whole other level. Donc c'est vrai que maintenant je le vois d'une autre façon. Complètement différente. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je travaille sur un concert d'une soirée. Et c'est dans trois semaines. C'est en fait une soirée avec des musiques de Richard Maltby. Et c'est vrai que je me plonge dans cette musique qui est leur musique. Et cela me remplit de joie de l'entendre. Et c'est vrai que j'ai une voix tellement jeune. Alors, on vous connaît en France, les Scalawes, surtout pour un dessin animé et pour une voix que vous avez apportée. Dans un dessin animé, c'était en 1997, c'était à l'époque où les studios 20th Century Fox essayaient de faire aussi bien que les studios Disney. Ils avaient produit un dessin animé qui se déroulait dans la Russie à l'époque de la Révolution russe. Ça s'appelait Anastasia et c'est vous qui chantiez deux chansons notamment. Une qui s'intitule « Journey to the Past » And Once Upon in December, qu'on connaît parce qu'ici c'était aussi traduit en français d'ailleurs et chanté en français. Mais vous allez nous interpréter les deux versions originales, accompagnées au piano par Charlotte Gauthier. Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. People always say life is full of choices. No one ever mentions fear or how the world can seem so vast. On a journey someone's waiting. Years of dreams just can't be wrong. Arms will open wide. I'll be safe. Bye. Ce matin, c'est concert privé avec Liz Calloway au studio 106 à France Musique. Liz Calloway accompagnée au piano par Charlotte Gauthier. Et maintenant, Liz Calloway nous propose une chanson qu'elle a dû interpréter, je ne sais pas, j'ai compté 1000 fois sur scène au Winter Garden Theater. Over, I think, 5,000 times. 5,000, 5,000, 5,000 fois. Oui, 5,000. 5,000 fois sur la scène du Winter Garden. Et... but I, exactement. I'm happy to Mais be singing it je today, suis heureuse de le chanter, de la chanter aujourd'hui, my whiskers. Sans mes moustaches. Alors pour la 5001e fois, voici par Liz Calloway, et la première fois en France, Memory, extrait de Cats, la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber. Liz Calloway en concert privé sur France Musique sur la 42e rue. Memory, une chanson extraite de Cats. Quel souvenir, Liz Calloway, vous avez conservé d'avoir joué pendant 5 années au Winter Garden Theatre ce rôle de Grisabella? I loved playing Grisabella. Ah, j'ai adoré interpréter ce rôle de Grisabella dans Cats. It was a very special show. C'était un spectacle tout à fait à part. But I actually used to feel guilty. Mais je me sentais presque coupable parce que j'étais sur scène avec des danseurs totalement incroyables qui faisaient ces numéros, ces chorégraphies tellement difficiles, qui travaillaient des heures et des heures. Et finalement, moi simplement, j'arrivais à la fin du spectacle et je chantais Memory. Et donc le public me donnait tellement d'amour, m'applaudissait tellement. Et les autres là, vous avez quand même pas vu que ça fait 2 heures quand même qu'ils travaillaient comme des bêtes. Et c'était fantastique de chanter cette chanson Memory, qui est devenue un classique, un vrai classique. Et les gens, peu importe la langue qu'ils parlent, connaissent cette chanson. Et hier, je prenais un taxi. Et j'ai entendu une publicité. Dans la publicité, il y avait Memory en français, la chanson en français. Et je me suis dit, oh, je devrais apprendre cette chanson en français. Et peut-être que c'est mon prochain objectif, d'apprendre la version française. Parce que c'est une chanson magnifique. Et ça serait une émotion totalement différente de la chanter dans une autre langue aussi. Comment vous êtes formée? Vous êtes arrivée à 18 ans à New York. Vous êtes tout de suite repérer, même pour un petit rôle dans Mary Lee We Were Along, comment on se forme à ce métier, cette triple threat, ce triple métier, danse, chant et jouer la comédie? Laurent, you've never seen me dance. Laurent, vous m'avez jamais vu danser pour dire ça. I try. J'ai essayé dur. Well, my mom is a singer. Ma mère and a voice teacher. est une so chanteuse également, est un professeur de chant. Formally, et c'est vrai que je n'ai jamais suivi des cours de manière très formelle. Mais c'est vrai qu'à la maison, je recevais gratuitement des classes, des cours. Et puis, lorsque j'étais au collège pendant 2 mois, et puis c'est vrai qu'après, enfin, à l'université pendant 2 mois, et puis je suis partie à New York, j'ai pris des cours, j'ai couru les auditions, j'en ai présenté beaucoup. Et c'est vrai que, vous savez, il y a par exemple, lorsque vous allez à New York, il y a comme cet appel, vous savez, et vous êtes entraîné par tout le monde. Alors, vous n'avez pas toujours l'opportunité de chanter, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai fait donc, vous savez, un petit show dans un cabaret, hein, et quelqu'un m'a entendu dans le public et a donné mon nom à un agent. Elle dit, tu devrais présenter cette jeune fille pour le nouveau spectacle de Stephen Sondheim, parce qu'on cherchait des gens très jeunes. S'il ne m'avait pas vu dans ce petit club et je n'avais pas fait ce petit spectacle, eh ben, j'aurais peut-être pas participé à Mary Lou Retton. Et c'est vrai que ça a été un point de départ pour ma carrière. J'ai travaillé très dur, mais c'est vrai qu'il y a eu un facteur de chance. J'étais au bon endroit et au bon moment. Alors, vous avez chanté du Claude Michel Schoenberg, c'était Miss Saigon. Vous avez chanté du Andrew Lloyd Webber. Vous avez chanté également du Stephen Sondheim. Quel compositeur vous aimeriez bien chanter que vous n'avez jamais interprété sur scène? I can't say that I've never sung je ne peux any of pas dire music, que je n'ai jamais interprété leur musique, mais il y a de nombreux classiques que finalement je n'ai pas joués. Par exemple, j'ai chanté un tout petit peu de Cole Porter. C'est vrai que l'on m'a invité, on m'a invité pour l'année prochaine à interpréter un nombre de pot-pourris, vous savez, de Cole Porter. Et puis il y a aussi des nouveaux compositeurs sur lesquels j'aimerais bien revenir. Alors j'ai choisi, juste pour vous reposer un petit peu, quand vous entendez dans un enregistrement d'une comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, c'est une comédie musicale qu'ils ont montée à Broadway qui n'a pas très bien marché. Ça s'appelait Allegro. Et il y a eu, il y a quelques années, un enregistrement intégral, le premier, de cette comédie musicale. Et vous interprétiez une femme assez horrible, opportuniste, mariée à un médecin de ville pour lequel elle a beaucoup d'ambition. Cette chanson s'intitule « The Gentleman is a Dope ». The boss gets on my nerves. I've got a good mind to quit. I've taken all I can. It's time to get up and get and move to another job or maybe another town. The gentleman burns me up. The gentleman gets me down. The gentleman is a dope. A man of many a clumsy Joe who wouldn't know a rumba from a waltz. The gentleman is a dope and not my cup of tea. Why do I get in a dither? He doesn't belong to me. The gentleman isn't bright. He doesn't know the score. A cake will come, he'll take a crumb and never ask for more. The gentleman's eyes are blue, but little do they see. Why am I beating my brains out? He doesn't belong. Gentleman is a Dope, c'est un enregistrement. Je voulais entendre ça, Liz Calloway, avec vous, parce que comme ça, on peut vous entendre avec un orchestre derrière. Et c'est donc extrait d'un enregistrement d'une comédie musicale méconnue de Rodgers et Hammerstein, Allegro. Comment on pourrait traduire le titre The Gentleman is a Dope? Qu'est-ce que ça voulait dire? Well, the gentleman is... You don't say dope in French? Vous dites pas dope en français? Ah, une dope? Je sais pas. Dope. Non, dope, c'est une merde, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est en français? Une nullité crasse, une merde. Just kind of, he doesn't know better. He en just fait, doesn't il est know what's il est un peu in front of him. Enfin, il n'est pas vraiment conscient de ce qu'il a en face. Il est un peu, enfin, c'est un peu nullité, quoi. Et alors, on passe de A Gentleman is a Dope, enregistré sur micro-sillon et CD, à une chanson beaucoup plus romantique. C'est une chanson que vous interpréterez tout à l'heure, à 16h, à la Philharmonie de Paris, accompagnée par l'orchestre Pas de Loup. C'est une chanson qu'interprétait, rappelez-vous, Audrey Hepburn sur un escalier dans le film Breakfast at Tiffany's, une chanson qui s'intitule Moon River. Liz Calloway, en concert privé sur France Musique. Wherever you're going, Moon River de André Mancini, interprété au Studio 106 de France Musique par Liz Calloway. Ça sera tout à l'heure au programme de votre concert à la Philharmonie de Paris. Et maintenant, on va entendre une chanson qui est très particulière, que vous allez nous interpréter. C'est une chanson de Stephen Schwartz qui était extraite de l'adaptation en comédie musicale de La femme du boulanger. Une chanson qui s'intitule Middle Lark. Et je trouve que c'est vraiment l'exemple type de la chanson de comédie musicale. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous allez chanter, de quoi ça parle ? Je ne vais pas vous dire de quoi elle parle parce que je veux vous raconter l'histoire lorsque je vais la chanter. J'ai ce sentiment que lorsque l'on chante, on raconte une histoire. Et donc, c'est une de mes chansons favorites. J'adore la chanter parce qu'elle vous raconte une histoire du début jusqu'à la fin. Et c'est très gratifiant lorsqu'on est une chanteuse comme moi. As a girl, I had a favorite story of the meadowlark who lived where the rivers wind. Her voice could match the angels in its glory, but she was blind. The lark was blind. An old king came and took her to his palace, where the walls were burnished bronze and golden braid. And he fed her fruit and nuts from an ivory chalice. And he prayed, "Sing for me, my meadowlark. Sing for me of the silver morning. Set me free, my meadowlark. And I'll buy you a priceless jewel and cloth of brocade and crewel. You for life, if you will sing for me." Then one day, as the lark sang by the water, the god of the sun heard her in his flight, and her singing moved him, so he came and brought her the gift of sight. He gave her sight, and she opened her eyes to the shimmer and the splendor of this beautiful young god, so proud and strong. And he called to the lark in a voice both rough and tender, "Come along, fly with me, my meadowlark. Fly with me on the silver morning, on the coral beaches, make a feast of the plums and peaches, just as far as your vision reaches. Fly with me." But the meadow lark said no, for the old king loved her so. She couldn't bear to wound his pride, so the sun god flew away. And when the king came down, he found his meadowlark had died. Every time I heard that part, I cried. And now I stand here starry-eyed and stormy, just when I thought my heart was finally numb. A beautiful young man appears before me, singing, "Come, oh, won't you come?" And what can I do if finally, for the first time, the one I'm burning for returns the glow? If love has come at last, it's picked the worst time. Still I know the days. ways won't bind me. I know I leave wounds behind me, but I won't let tomorrow find me back this way. L'arc, extrait de La femme du boulanger, The Baker's Wife, la comédie musicale inspirée du film, et une chanson écrite par Stephen Schwartz. Alors cet après-midi, Liz Calloway, vous serez accompagnée à la Philharmonie de Paris par l'orchestre Padeloup, dirigé par David Charles Abel. Et alors en cette semaine où on célèbre la journée des droits des femmes, il nous fallait recevoir quand même la seule femme musicienne, si je ne me trompe pas, présidente opérationnelle d'un orchestre symphonique. Bonjour Marianne Rivière. Bonjour. Je ne me trompe pas? Vous ne vous trompez pas. C'était un week-end sur les figures féminines à la Philharmonie de Paris. C'est un hommage à toutes ces femmes, des portraits de femmes, mais aussi toutes celles qui ont construit l'histoire de la musique. Alors, l'orchestre Padeloup aime la comédie musicale. Vous étiez au Châtelet durant les fêtes de fin d'année pour Chantons sous la pluie. Vous avez aussi accompagné, vous avez dirigé par Michel Legrand pour les Parapluies de Cherbourg. Est-ce qu'on peut dire que c'est sous votre impulsion que l'orchestre s'est depuis quelque temps intéressé à la comédie musicale? Alors, l'orchestre Padeloup aime swinguer. Nous n'aimons pas, nous ne désirons pas figer la musique dans un répertoire unique. Et puis, le spectacle vivant, c'est une histoire de rencontre. 2008, c'était On the Town avec David Charles Abel qui nous dirigeait. Et puis, pour l'orchestre Padeloup, ça a été un choc magnifique. On a découvert des artistes sur scène qui savent danser, chanter, faire des claquettes. C'était au Châtelet, déjà. Au Châtelet, un bonheur de musique. Voilà. Alors, depuis, il y a une sorte de passion partagée, de rencontre d'artistes. On tisse des liens avec le public et on construit beaucoup, beaucoup de choses avec le Théâtre du Châtelet, mais maintenant aussi avec cette merveilleuse salle qui est la Philharmonie de Paris, qui peut ouvrir le répertoire de l'orchestre à des répertoires comme celui qu'on fait cet après-midi. On va entendre de la musique pop, mais jusqu'au grand symphonique aussi. Voilà, des grandes figures féminines comme Scheherazade, Carmen. N'oublions pas que Carmen a été dédiée à Jules Padeloup par Georges Bizet. C'est une jolie histoire aussi. Voilà. Le fondateur. Le fondateur de l'orchestre. Alors Marianne Rivière, j'ai une petite madeleine pour vous. L'orchestre Padeloup, dans ses œuvres, c'était il n'y a même pas deux mois au Châtelet. Les micros de France Musique étaient là, bien sûr, c'était pour Chantons sous la pluie. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glow. Feeling I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yada yada, yada yada yada. Mom, happy. Padoue, autour de Dan Burton qui interprétait Gene Kelly pour ses 50 représentations de Singing in the Rain au Théâtre du Châtelet. C'était pas plus tard qu'il y a 2 mois. Vous avez d'autres comédies musicales prévues au Théâtre du Châtelet, Marianne? Pas pour le moment. Bon, on espère, on croise les doigts en tout voilà. cas. L'Orchestre Padoue qui sera donc cet après-midi autour de Liz Calloway, ça sera à la Philharmonie de Paris, dirigée par David Charles Abel. Liz Calloway qui est l'invitée ce matin d'un concert privé sur France Musique. On se quitte avec une dernière chanson, si vous voulez bien, Liz Calloway. Alors forcément signée Stephen Sondheim, puisqu'elle a, il a un petit peu, ce compositeur, accompagné vos débuts. Une chanson qui s'intitule « What more do I need ?» It would be my pleasure. I got to debut this song in a concert. La première fois que j'ai chanté cette chanson, c'était un concert en 1993. And I've so enjoyed being with you. 93. Et c'est une chanson que j'adore. Et c'est un tel plaisir d'être avec vous. Et donc, j'attends avec impatience de retrouver l'orchestre cet après-midi. Once I hated this city, now it can't get me down. Slushy, humid, and gritty, what a pretty town. What thought I could be duller, more depressing, less gay? Now my favorite color is gray. A wall of rain as it turns to sleet, the lack of sun on a one-way street. I love the grime all the time, and what more do I need? My window pane has a lovely view, an inch of sky and a fly or two. Why, I can see half a tree, and what more do I need? The dust is thick and it's galling. It simply can't be excused. In winter, even the falling snow looks used. My window pane may not give much light, but I see you, so the view is bright. If I can love you, I'll pay the dirt no heed. With your love, what more do I need? Someone shouting for quiet, someone starting a brawl. Down the block there's a riot, and I'll buy it all. Listen now, I'm ecstatic. Hold me close and keep still. Hear the lovely pneumatic drill. A subway train thunders through the Bronx. A taxi horn on the corner honks. But I adore every roar. And what more do I need? I hear a crane making street repairs. A 2-ton child running wild upstairs. Steam pipes bang, sirens clang. And what more do I need? The neighbors yell in the summer. The landlord yells in the fall. So loud I can't hear the plumber pound the wall. Plane roars across the bay, but I can hear you as clear as day. You said you loved me above the sound and speed. With your love, what more do I need? Thank you. What more do I need? De quoi on a besoin? Bon, on a besoin de plus de Liz Calloway. Ça sera à partir de 16h si vous habitez à Paris, à la Philharmonie de Paris avec l'orchestre Pas de Loup sous la direction de David Charles Abel. Tout un concert. Et puis, Liz Calloway, vous venez de faire paraître un nouvel album qui s'intitule The Essential Liz Calloway, tandis que, eh bien, l'orchestre Pas de Loup vient de sortir un nouvel album, lui, autour de George Gershwin avec le trio Tortillet. Ça s'intitule Rhapsody in Paris. De toute façon, on vous a mis toutes les références sur le site de France Musique, sur la page de 42e rue, le podcast, etc., le Facebook, le Twitter. Alors notez deux rendez-vous. D'abord, notre prochain cabaret, eh bien, aura lieu en direct dimanche 10 avril. Nous aurons la chance de retrouver et de recevoir la troupe d'opéra éclaté d'Olivier Desbordes pour la reprise de l'opéra de Katsu avec notamment Ananda Setanen et Nicole Croisille. Les réservations, c'est sur maisondelaradio.fr. Et puis à partir de dimanche prochain, la 42e rue vous invite à Londres pour assister à une comédie musicale. C'est un concours. Chaque semaine, deux billets pour deux personnes. Et une comédie musicale différente, alors soyez bien avec nous. Dimanche prochain à 11h, on vous offrira des places pour aller voir Guys and Dolls, la reprise qui est fait actuellement un tabac à Londres. Voilà, vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, avec au piano Charlotte Gauthier, à la traduction Paloma Goulémeau, avec Jean-Michel Bernot, Dimitri Scapolan, Guillaume Ledu, Martine Moni, et à la réalisation Perrine Minguis. Passez un très bon dimanche, juste après le journal, vous retrouvez Renaud Machard. Rideau!